Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Aujourd'hui, les top cruise du pognon. Top. C'est les top cruise. Alors Paulin, les top cruise du pognon, c'est toi l'expert. Ah ben là oui, ben là c'est un petit peu la rubrique économique. Ben là, on va sortir des chiffres. C'est pas un top genre 1, 2, 3, quels sont les films qui ont rapporté le plus d'argent? C'est pas forcément le plus intéressant. Non. Je vais vous donner quelques petits chiffres un petit peu compilés sur toute la carrière de Tom Cruise. ça va être très très intéressant. Sortez vos carnets. Voilà, sortez les carnets. Le film le plus cher, alors à chaque fois j'essaye de prendre les chiffres avec l'inflation. Hein, donc c'est-à-dire que, évidemment, le film le plus cher c'est celui qui est sorti l'année dernière parce que bah oui, c'est... Mais en prenant l'inflation, normalement, ça rééquilibre un peu. Et le film le plus cher de la carrière de Tom Cruise, c'est Edge of Tomorrow. Non. Il a coûté quand même un peu cher. $178 million. Ah, come on. Ouais, quand même. Hein. OK. Le cachet le plus élevé de Tom Cruise, celui-là, tu le connais. La guerre des mondes. Avec 100 millions, le cachet, c'est énorme. Et c'était pas le film le plus cher, la guerre des mondes. Non, c'était pas le film le plus cher. C'est fou. Ouais. Le box, alors là maintenant on va se faire le top 3 des films avec le plus gros box office de la carrière de Tom Cruise. Alors en prenant en considération l'inflation, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Donc numéro 3, c'est Top Gun, $892 million de box office mondial. Waouh! Considérant l'inflation toujours. En deuxième place, et ça peut être surprenant, on a tendance à l'oublier, c'est Rain Man. Avec 958 millions de dollars. Avec l'inflation, ça fait ça. C'est énorme. Et c'est même pas un film d'action. Génial. Et numéro 1, c'est Top Gun Maverick avec 1,5 milliard. C'est gros. Hein. C'est très gros. C'est qui fait croire qu'ils feront un Top Gun 3. C'est possible. C'est un peu dommage. Je ne sais pas. Oui, bah après, il faut faire gaffe parce que le Top Gun Maverick, c'était des conditions peut-être particulières pour qu'il marche. Hein. Complètement. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que je m'amuse à faire le ratio entre le coût du film et ce qu'il a rapporté. En gros, si ça valait le coup, vraiment. C'est qui fait plus... Là où c'était le mieux d'investir. Et bah, clairement, le film où il valait... C'était très, très bon, de très bon goût d'investir. C'était Top Gun 1, en fait. Parce que Top Gun 1, par rapport au budget, on multiplie par 24 quasiment. Non, 24 oui. Et en gros, tu mets 1 euro de budget, tu récupères 24 à la sortie. C'est énorme. Waouh, c'est énorme. Ouais, ça, c'est énorme. Ça se fait pas beaucoup. Non. Souvent, les films hollywoodiens, ça va être quand tu fais x2, c'est ça y est. À partir de x2, t'es bien, jusqu'à x5, c'est foufou, mais tu vas difficilement aller plus loin, quoi. Waouh, c'est ouf. x24 quasiment, c'est énorme. Et les pires? Parce qu'il y en a eu. Ah, ben oui. Il y en a qui sont en dessous de 1, par exemple. Ça, c'est embarrassant. C'est qui? Eh bien, les deux pires, c'est Legend avec 0,96 en ratio. Et encore pire que ça, est-ce que tu l'as? Non, je pense pas. C'est Rock Forever qui a été un vrai, vrai four total, quoi. C'est les deux seuls films qui n'ont même pas rapporté la mise. Waouh! Ah, je savais pas. Après, il y a peut-être Lousinite, mais Lousinite, je n'ai pas trouvé les chiffres. Donc, Bon. Mais voilà. C'était cette magnifique rubrique économique. Mais si trop voulez, bien. Si vous voulez plus d'infos, vous m'appelez, j'ai des tableurs dans tous les sens. On les met sur les sites, les tableurs. Ouais, c'est assez merdique, hein. Ça vaut pas le coup, je pense. Ouais. Bon, ben merci. Avec plaisir. À demain. À demain.